Chapitre 1. Une visite au Louvre. Paris, le 18 septembre 2000. Bonjour, je m'appelle Guillaume Leclerc, j'ai 15 ans et demi. J'adore le ciné, la lecture, mais surtout l'égyptologie. Pour la première fois de ma vie, j'écris un journal. Je ne sais pas à qui raconter cette étrange aventure. Voilà toute l'histoire. Allô, c'est toi, Paul? Oui, qui est à l'appareil? C'est moi, Guillaume. Tu viens avec moi au Louvre? Il y a une nouvelle momie. On va la voir? Je ne sais pas, j'ai des devoirs. Je travaille une expérience de chimie. Allez, viens, aujourd'hui c'est gratuit. Bon, d'accord, je viens. On se retrouve devant le musée à 4 heures? Oui, à tout à l'heure. Devant la pyramide du Louvre. Salut, Paul. Salut, Guillaume, on entre? Oui, on va directement voir la momie? Oui, bien sûr. Regarde, Paul, la voilà. C'est chouette, il n'y a pas beaucoup de monde. On peut la voir tranquillement. Incroyable, c'est absolument incroyable. Elle est aussi vieille que la momie de Toutankhamon. C'est le général Toukhanis. On raconte qu'elle porte malheur. Tiens, Guillaume, regarde, là, sur le sarcophage. Quoi? Je ne vois rien? Mais si, là, ce hiéroglyphe, je l'ai déjà vu, je le reconnais. Tu te souviens? Notre prof d'histoire nous a dit qu'il signifie... Mais oui, tu as raison. Ce hiéroglyphe, cela veut dire « une malédiction pèse sur vous ».